À la fin du 19e siècle, à Londres, et plus précisément, dans le quartier de Whitechapel, ont eu lieu des crimes odieux. Un homme tua des prostituées occasionnelles. Cet homme portait un tablier de cuir. Les journalistes l'ont surnommé. Jack, je m'appelle Jack, l'éventreur. Jack, the serial. Jack, the serial killer. Yeah.